Bonjour à tous et merci beaucoup d'être ici. Alors juste en guise d'introduction, nous avions et avons voulu profiter de la collision, disons, entre la création théâtrale de la saison Honneur à notre élu de Marianne Diaye, qui a pour trame, disons, un fait divers républicain, une campagne municipale, et notre temps politique commun, c'est-à-dire cette élection présidentielle qui, sous notre régime, est le moment où la politique entre dans sa phase la plus spectaculaire pour interroger ce rapport entre politique et théâtre, sans remonter aux Grecs ni à Rome, mais disons... rien que pour la phase hexagonale qui nous est propre, on peut dire que le théâtre français a été, dans sa modernité, a été fondé un peu à Versailles, et que la triade matricielle de ce théâtre, Molière, Lully, Racine, se définissent par rapport, dès le départ, par rapport au pouvoir politique, dans une friction, disons, une obédience et une friction à la fois, et théâtre. En dehors de cette origine un peu organique du pouvoir politique et du théâtre, on a eu envie, en cette période, de voir comment théâtre et politique, disons, s'inspirent l'un l'autre, comment le théâtre prend à la politique souvent ses intrigues, et la politique prend parfois au théâtre, au sens large du terme, ses effets. Et on a voulu interroger ça, surtout du point de vue politique, et interroger comment, dans la manière de faire de la politique, en tout cas en France, dans cet horizon républicain et démocratique, comment le politique et le théâtre sont toujours dans cette familiarité, cette intimité constante. C'était ce que j'avais à dire. Merci Frédéric. Je vais juste compléter en vous présentant le plateau, les intervenants et le projet dans son ensemble, le projet qu'est La Fabrique. La Fabrique, c'est un projet porté par l'Université d'Angers, l'Université catholique de l'Ouest, que j'en profite pour remercier ici, et le Quai Centre Dramatique National. C'est la deuxième saison. C'est des rendez-vous en marge de la programmation, c'est des espaces de pensée qui se veulent être des frictions entre gestes artistiques assez humbles et paroles savantes, et souvent du territoire, sur des thématiques extrêmement variées, donc comme le disait Frédéric, soit adossées à des temps forts du Quai, ce qui est le cas aujourd'hui avec le spectacle politique, séduction et théâtralité, voilà, le temps fort étant la création du Centre Dramatique. Mais ça peut aussi être au gré de nos envies, au comité de pilotage qui est constitué de membres du Quai, de personnalités de des deux universités, ou en lien avec l'actualité au sens plus large du terme, au-delà du Quai. Le prochain rendez-vous sera un rendez-vous autour de la nudité sur le plateau, et sera une conférence mobile dans un bus en partance pour le musée de Parçay-les-Pins, le musée Jules Desbois en l'occurrence. Donc voilà, juste pour... vous dire qu'il y a des thématiques extrêmement variées. Je vais vous présenter les intervenants de cet après-midi. Je vais commencer par Émilie Rousset, qui est metteur en scène et comédienne, et qui va non seulement proposer des lectures en écho aux paroles savantes cet après-midi lors de cette conférence, mais qui propose également des performances que certains d'entre vous ont peut-être eu le plaisir de découvrir dans le forum qui s'appelle Les Spécialistes. Voilà, avec son équipe de comédiens, ils ont interviewé des spécialistes autour du spectacle politique, de la politique, un tailleur de costumes, donc des spécialistes très variés, un tailleur de costumes, un coach politique, un youtubeur et un rapporteur du Sénat. Et des comédiens rapportent également ces paroles via un dispositif sonore assez original. Et vous aurez, si vous voulez, l'occasion de les écouter à l'issue de cette conférence à 17h. À côté d'Émilie, je vous présente François Ourmand, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'Angers. Ensuite, Pierre Leroux, qui est professeur et chercheur en communication politique à l'Université catholique de l'Ouest. Et enfin, Albin Wagner, Albin Wagner, qui est maître de conférences en sciences du langage à l'Université de Nantes. Et bien sûr, mais vous l'aurez reconnu, Frédéric Bellier-Garcia, le metteur en scène d'honneur à notre élu et le directeur du Centre Dramatique. Voilà, je crois qu'on peut envoyer la première projection. Cet extrait du film de Rossellini sur Louis XIV nous introduit directement dans l'objet de notre après-midi sur la théâtralité du pouvoir, à travers en particulier, me semble-t-il, deux aspects que je vais développer et puis que j'étirerai jusqu'au temps présent. D'une part, à travers bien évidemment les procédures de mise en scène du pouvoir politique, qui ici portaient sans doute à incandescence sous le règne de Louis XIV, et d'autre part, on l'aperçoit, mais j'y reviendrai, sur la question de l'étiquette à travers la façon dont les courtisans se comportent et notamment s'inclinent en présence du roi. Alors, quelques remarques à propos de Louis XIV. Bien sûr, on a pu dire de lui que c'était le roi machine, selon l'expression de l'historien Jean-Marie Apostolides. Pourquoi le roi machine ? Parce qu'il était au cœur de tout un dispositif de représentation. Il décidait en fait de tout un certain nombre de représentations théâtrales. Il décidait des textes, des décors, des costumes. Il était aussi le héros et participait à un certain nombre de ces représentations ou de ballets. Et puis bien évidemment, au-delà de la dimension proprement scénique, il a été l'objet de tout un processus de construction ou de fabrication de la gloire, puisque tous les arts, poésie bien évidemment, histoire, mais aussi musique, architecture et jusqu'à l'art des jardins, tous ces arts ont contribué évidemment à construire la gloire de Louis XIV. Alors, ici, de façon évidente, ce qui nous est montré, c'est une dimension qui est consubstantielle en quelque sorte du pouvoir politique. Le pouvoir politique, il évolue dans la sphère de la représentation. Donner à voir, si l'on peut dire, c'est une dimension consubstantielle du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir politique sans procédure de mise en scène, sans mise en scène, en quelque sorte, de ce pouvoir, ce que montrent bien, par exemple, les anthropologues, et notamment Georges Balandier, dans un petit livre tout à fait singulier et tout à fait stimulant sur cette question, qui s'intitule tout simplement « Le pouvoir sur scène ». Quels que soient finalement les types de régimes politiques, quelles que soient les contrées, il y a toujours des procédures de mise en scène qui accompagnent le pouvoir politique sous toutes ses formes. Ce que Balandier appelle, ici en reprenant un concept ancien, la notion de théatrocratie. Donc cette forme de théâtralité du pouvoir, ce gouvernement par les représentations et les apparences. Et donc tout système de pouvoir, en quelque sorte, qu'il soit monarchique, qu'il soit impérial, qu'il soit républicain, tout système de pouvoir est aussi, on peut dire, une forme de dispositif. C'est un dispositif qui vise à produire des effets, alors des effets que l'on peut, par certains aspects, comparer à ceux produits par la machinerie du théâtre. Mais Cela induit un autre aspect qui est important pour comprendre la réalité du pouvoir politique, c'est que le pouvoir politique, bien sûr, peut utiliser la violence, mais en même temps, il ne se maintient jamais par la domination brutale. On l'a vu et on le voit bien dans les États autoritaires, totalitaires, bien sûr, cette domination, elle peut s'exercer de façon paroxystique sur des segments de population, mais ce pouvoir ne s'exerce jamais ni par la violence, qu'elle soit légitime ou illégitime, ni seulement par des justifications rationnelles, par des idéologies. Toute forme de pouvoir, y compris dans les États totalitaires, toute forme de pouvoir requiert des procédures de mise en scène. Toute forme de pouvoir passe par la production d'images, la manipulation de symboles et leur agencement dans un cadre cérémoniel. Inutile de revenir sur, évidemment, toutes les grandes liturgies des États totalitaires, de l'Allemagne nazie ou du stalinisme. Donc il y a une forme de construction cérémonielle du pouvoir politique, quelles que soient les formes de ce pouvoir. Et bien évidemment, ces cérémonies politiques, ces liturgies politiques sont extraordinairement codifiées. Elles sont rarement bricolées, enfin il peut y avoir une part de bricolage, mais elles ne sont jamais totalement fortuites ou gratuites. Et en particulier, on le voit, c'est le second aspect qui est suggéré par ce film, c'est que la mise en scène du pouvoir ici à la cour de Louis XIV, elle est aussi conditionnée par ce que l'on a pu appeler l'étiquette. Alors l'étiquette, de quoi s'agit-il? C'est un ensemble de conventions qui ont été rédigées, qui sont formalisées et qui obligent les courtisans à adopter un certain nombre de postures en présence du roi. Donc l'étiquette, c'est un mode de disposition des corps dans l'espace qui oblige les courtisans, on le voit bien, à faire la révérence lorsque le roi passe, à courber les chines. Et à travers toutes ces attitudes corporelles, c'est aussi évidemment un système de valeurs qui est signifié, c'est-à-dire c'est l'obéissance à l'ordre politique, c'est la soumission au monarque, c'est la déférence, la vénération à l'égard du roi. Donc on voit bien ici comment les corps, évidemment, expriment pour une large part cet ordre politique et comment l'étiquette va aussi, alors je ne développe pas cet aspect des choses, ça nous emmènerait assez loin de notre propos, mais comment l'étiquette, comme l'a bien montré Norbert Elias dans un livre célèbre consacré à la société de cour, comment l'étiquette va contribuer à asseoir l'absolutisme monarchique à cette époque. Alors l'étiquette, c'est aussi, au-delà de figer ou de distribuer un certain nombre de comportements, l'étiquette va aussi organiser la répartition des corps dans l'espace en fixant des hiérarchies, en fixant les préséances, et c'est ce qui va nous amener donc à ce qu'on a pu appeler, et ce qui existe encore aujourd'hui, c'est la question du protocole. Le protocole qui va se mettre en place essentiellement avec Bonaparte, Napoléon Bonaparte, un protocole qui fixe donc ou qui structure la plupart des cérémonies officielles. Encore aujourd'hui, bien évidemment, ce protocole existe. Il y a un service du protocole à l'Élysée, etc., qui conditionne, qui codifie un petit peu les apparitions du chef de l'État. Ce protocole qui tente à fixer une ligne de partage entre l'espace cérémoniel, qui est un espace qu'on pourrait dire tendanciellement sacralisé, celui sur lequel évolue les personnalités officielles, et d'autre part l'espace profane, celui des citoyens ordinaires. Donc un espace, une dissociation des espaces qui est marquée par un certain nombre de barrières qui peuvent être symboliques ou qui peuvent être matérielles. Section 2. Honneur civil. Dans les voyages que Sa Majesté fera et qui auront été annoncés par les ministres, sa réception aura lieu de la manière suivante. Le préfet viendra, accompagné d'un détachement de gendarmerie et de la garde nationale du canton, la recevoir sur la limite du département. Chaque sous-préfet viendra pareillement la recevoir sur la limite de son arrondissement. Les maires des communes l'attendront chacun sur la limite de leur municipalité respective. Ils seront accompagnés de leur adjoint, du conseil municipal et d'un détachement de la garde nationale. À l'entrée de l'empereur dans chaque commune, toutes les cloches sonneront. Si l'église se trouve sur son passage, le curé ou des servants se tiendra sur la porte en habit sacerdotaux avec son clergé. Dans les villes où Sa Majesté s'arrêtera ou séjournera, les autorités et les fonctionnaires civils et judiciaires seront avertis de l'heure à laquelle l'empereur leur accordera audience et présentés à Sa Majesté par l'officier du palais à qui ces fonctions seront attribuées. Ils seront admis devant elle dans l'ordre des préséances établies, article 1 de la première partie. Tout fonctionnaire ou membre des corporations non compris dans l'article précité ne seront point admis s'ils ne sont mandés par ordre de Sa Majesté impériale ou sans permission spéciale. Lorsque Sa Majesté impériale aura séjourné dans une ville, les mêmes autorités qui l'auront reçue à l'entrée se trouveront à sa sortie pour lui rendre leurs hommages si elle sort de jour. Les honneurs, soit civils, soit militaires, à rendre à l'impératrice sont les mêmes que ceux qui seront rendus à l'empereur, à l'exception de la présentation des clés et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d'ordre. Merci. Donc on voit bien à travers ces quelques notions qui consacrent ou qui codifient plus exactement le cérémonial du déplacement de l'empereur en province, on voit bien l'extraordinaire minutie de ce protocole napoléonien. Alors on pourrait juger un petit peu anecdotique tous ces éléments, toutes ces mesures qui sont formalisées. En même temps, au-delà de la superficialité de ces propos, de ces pratiques, tout cela en fait contribue, tout cela a un effet politique, tout cela a une visée politique. Il s'agit bien évidemment ici, de façon évidente, de donner à voir la majesté de l'empereur, la majesté du pouvoir, toujours dans cette séparation des espaces entre ce que j'évoquais tout à l'heure, l'espace sacré, sacralisé, et l'espace profane, celui des citoyens, des individus ordinaires. Mais au-delà de ça, bien évidemment aussi, à travers ces dispositions protocolaires, on voit bien comment le pouvoir impérial entend s'imposer, bien sûr, aux yeux des Français, faire oublier d'une certaine façon aussi le souvenir de la monarchie. Et puis, c'est la mise en scène de la centralité ou de la centralisation du pouvoir impérial qui se met en place ici, centralisation politique et administrative qui sera menée, on le sait, par Napoléon pendant son règne. Alors, je ne vais pas épiloguer davantage sur ces questions du protocole, mais on voit aussi sur un autre registre comment... Le pouvoir politique se met en scène et a pu se mettre en scène déjà à travers des portraits. On connaît bien évidemment le portrait du roi Louis XIV par Rigaud qui reste un élément emblématique. Mais aujourd'hui, cette pratique du portrait n'a pas disparu puisqu'en effet, tous les présidents de la République s'adonnent à une séance de pause académique et solennelle ou plus ou moins solennelle. Selon, on verra tout à l'heure qu'avec Raymond Depardon et François Hollande, c'était plus décontracté. Il y a donc une galerie des portraits qui fixe en quelque sorte les présidents de la République depuis la Troisième République. Vous en avez un certain nombre qui défilent. Alors vous voyez bien ici la relative stéréotypie de tous ces portraits des présidents sous la Troisième et la Quatrième République. Que peut dire du portrait ? Bien sûr que le portrait présidentiel, d'une certaine façon, si on reprend la formule de l'historien Maurice Agulon, c'est un substitut au portrait du monarque. Substitue sans doute au portrait du monarque, mais surtout, le portrait, on peut dire de lui que c'est la représentation d'une représentation du pouvoir. Et bien sûr, en arrivant au général de Gaulle, on conçoit même intuitivement que cette représentation qui nous est offerte du pouvoir politique gaullien n'est pas celle de ses prédécesseurs que l'on avait pu voir sous la Troisième République. Donc c'est un exercice, bien sûr, on peut dire aussi du portrait que c'est une petite mécanique de condensation symbolique, si l'on peut dire, où rien, vraisemblablement, n'est fortuit, rien n'est gratuit, bien sûr. Alors, tout fait signe et sens dans un portrait présidentiel. Tout cela a été, en général, mûrement prémédité, réfléchi par des conseillers en communication et autres. Que visent ces portraits ? Bien sûr, encore une fois, à produire une image de l'État, idéalement avec De Gaulle, on le voit bien, une image de l'État en majesté, magnifier la Ve République, c'est incontestable, et magnifier aussi l'institution présidentielle. Au-delà de cela, on a vu à travers cette galerie des portraits de la Troisième République à la Ve République, on voit bien aussi que dans cette galerie des portraits, ce qui est signifié, c'est la continuité de l'État. Au-delà du passage des républiques, la continuité de l'État, la pérennité de l'État, et d'une forme de régime qui est le régime républicain. Ces portraits peuvent nous renseigner aussi, de façon rapide, sur, évidemment, la nature de l'État et la place dévolue à l'institution présidentielle dans ces portraits. Si l'on voit les portraits, par exemple, de la Troisième République, il est évident que tous ces portraits en noir et blanc, dans leur stéréotypie, dans leur caractère interchangeable, mais aussi dans la sobriété des apparences de ces différents présidents, dans la modestie du décor, tout cela nous dit quelque chose de la réalité du pouvoir présidentiel sous la Troisième République. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la dépersonnalisation du pouvoir, la faiblesse de l'exécutif, d'un président de la République dont on sait qu'il était souvent réduit, à, selon l'expression consacrée, à l'inauguration des chrysanthèmes. En revanche, avec le portrait du général de Gaulle, en 1958, on voit bien qu'il y a une rupture qui intervient, que la rupture politique qu'indexe le général de Gaulle par rapport à l'origine des partis, etc., etc., je ne reviens pas sur tous ces éléments historiques, que cette rupture politique, elle est ici aussi signifiée sur le plan, on pourrait dire, chromatique et sémiotique. Il y a une forme de restauration chromatique, bien sûr, c'est le passage du noir et blanc à la couleur, c'est aussi l'exubérance de ce portrait qui n'est pas sans faire retour ou évoquer des réminiscences avec l'iconographie royale ou impériale à travers les ors, les rouges, tout cela qui donne une sorte de coordonnée entre l'arrière-plan, les ouvrages qui tapissent l'arrière-plan et les décorations du général de Gaulle lui-même. Iconographie monarchique encore, parce qu'ici, le portrait n'est pas tout à fait exhaustif, mais on voit bien que le général de Gaulle est enchâssé par les montants de la bibliothèque. Et donc, c'est aussi la réminiscence de la toile qui nous est ici suggérée. C'est le portrait d'un portrait, en quelque sorte, qui nous est offert à travers ce portrait présidentiel. Et puis, restauration sémiotique, on voit bien qu'à la différence de ses prédécesseurs, de Gaulle arbore tout un certain nombre de signes et d'insignes, de chamarrures, et tout cela aussi n'est pas sans entrer en résonance, encore une fois, avec la prolifération des signes, des portraits monarchiques ou impériaux. Et de la même façon, le décor ici a été réintroduit. Bon, de Gaulle pose dans la bibliothèque élyséenne. Ce décor est un décor éminemment qualifiant, à la différence de ses prédécesseurs sous la Troisième République, qui émergeait sur un fond grisâtre, un magma grisâtre, à peine distinct ici, bien évidemment. Tous les éléments convergent pour marquer, pourrait-on dire de façon peut-être un peu polémique, l'arrogance superlative du prince dans cette représentation. Dernier élément, dernier contraste avec le portrait giscardien, le portrait de Valéry Giscard d'Estaing, qui justement nous introduit dans la modernité politique, dans une certaine modernité politique et dans une certaine modernité photographique, modernité politique liée bien évidemment à l'âge du président, modernité aussi du portrait. On voit qu'on est loin du conformisme des portraits précédents. Est-ce le fait du photographe Jacques-Henri Lartigue ou le choix du président lui-même? C'est difficile de savoir, mais en tout cas, on est dans un tout autre univers, beaucoup plus abstrait en quelque sorte. Et on voit aussi que le portrait a perdu sa verticalité au profit de l'horizontalité. On est passé d'un modèle qui est en quelque sorte celui du tableau à un autre modèle qui est celui de l'écran de télévision. Dernière qui était tout à l'heure, elle était bien, la dernière, oui. Dans l'ancienne série. Là. Oui, dans l'ancienne série, finalement, peut-être on l'a trouvé. Encore. C'est bien, ça va. Je me demande s'il faut pas faire plus près quand même. Plus non près, oui. Oui. Alors, bon, ce qui est intéressant dans ce. dans ce petit film, c'est bien sûr ce qu'on y voit et ce qu'on n'est pas censé, ce qu'on n'est pas censé voir. Et c'est une des caractéristiques de la théâtralité du pouvoir aujourd'hui, c'est précisément le fait d'avoir en grande partie aboli la distance, enfin, ou la séparation entre la scène et les coulisses. On voit toujours les coulisses, en tout cas, on a l'illusion toujours de voir les coulisses, puisque en même temps, on se doute bien que c'est une mise en abîme sans fin. Il faudrait une équipe de tournage qui montrerait l'équipe de tournage en train de faire ce reportage, qui filme elle-même de pardon, et on pourrait en rajouter à l'infini. Et cette caractéristique-là, elle est importante parce que elle arrive à notre époque comme une espèce de valeur ajoutée sur les produits qu'on voit et notamment bon, sur ces photos de président. C'est particulier puisque François a cité le cas de l'article quand il fait la photo. On choisit un photographe sans doute pour son savoir-faire mais aussi pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est censé symboliser comme valeur ajoutée donnée à cette photo. Et à partir de Giscard d'Estaing, le nom du photographe aura beaucoup d'importance. Mitterrand choisit Gisèle Freund, c'est ça. Donc grande photographe pour faire une photo finalement assez conventionnelle, mais qui est organisée de manière à montrer aussi son attachement à l'écrit et à l'écriture, au livre en général. Et puis on a un peu plus tard, comme ça, une litanie de photographes. Là, c'est Depardon, connu dans divers domaines, ou Nicolas Sarkozy, qui, curieusement, paradoxalement, fait appel à un photographe people pour faire une photographie extrêmement conventionnelle en même temps. Donc, il y a une espèce de lien entre, enfin, une tentative de lien entre des contraires. Oui, juste pour la petite histoire, disons cinématographique de la chose est assez drôle parce qu'on a cherché des documents, mais en fait dans le rapport effectivement des hommes politiques à leur au off, comme tu dis de la chose, parce qu'en fait Depardon a une longue histoire, parce que Depardon avait fait un film en 1974, une partie de campagne. Alors Giscard, sans doute tenté, comme il disait que le premier président d'une sorte de modernité, en tout cas dans le rapport aux médias, tout ça, avait été tenté par la chose, donc avait accepté Depardon dans sa partie de campagne, mais avait interdit le film. Il y avait encore des réflexes gaulliens, avait interdit le film en ce moment, et Hollande, au contraire, choisi Depardon pour faire ça et fait filmer ça par Rotman. Je crois que ça s'est tiré d'un film de Rotman, Le Pouvoir. Voilà, il y a une sorte de mélange entre le profane et le sacré qui devient très prégnant. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Après avoir visité la centrale hydroélectrique de Malgovert qui va apporter une importante contribution au potentiel énergétique français et avoir mis l'usine en marche, M. Vincent Auriol, faisant le bilan de l'œuvre accomplie, a pu dire: votre jeunesse frémissante est prête à apporter son ardeur et sa foi à la construction de la France rénovée. Mais il faut lui proposer un idéal et des tâches dignes d'elle, de sa valeur, de ses espérances. Et notre force ne peut être fondée que sur la cohésion, le travail, l'enthousiasme d'un peuple animé par la foi dans la patrie et dans un idéal de justice et de fraternité. Alors, les sacrifices n'auront pas été vains. Alors le discours d'André Malraux sur le transfert à propos lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964 est resté célèbre, notamment dans ces quelques minutes que j'ai passées, dans ce court extrait. C'est un discours qui dure une vingtaine de minutes, et là c'est un peu la fin, la montée très émotive hein, de ce discours. L'autre discours n'a rien à voir, il est nettement antérieur. En 1953, l'inauguration du barrage de Tignes, qui a certainement laissé moins de souvenirs dans les mémoires que le discours d'André Malraux. Mais il n'empêche que ces deux discours sont un peu des témoignages d'une époque. Une époque où le discours politique faisait appel majoritairement à l'éloquence. Et il était assez proche de celui des acteurs sur les scènes du théâtre classique, souvent. Il s'agissait de déclamer, il s'agissait aussi de convoquer des symboles, des grands mots qui parlaient aussi certainement plus à cette époque-là au public, ou qui en tout cas étaient régulièrement convoqués par les politiques. Alors, j'ai voulu montrer ces deux discours, dont l'un présente un caractère assez exceptionnel, une circonstance particulière, et dont l'autre se situe dans la banalité du travail politique, des inaugurations, de grandes réalisations. Et pour autant, ça renvoie aussi à quelque chose, c'est forcément au passé. On peut se dire qu'on ne parlerait plus comme ça, que des choses ont changé. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui aussi anachronique à ces façons de parler? C'est une question qu'on peut se poser. Aucun politique ne parlerait comme ça, de cette façon-là, ne s'adresserait aux populations de cette manière. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est que la théâtralité du métier politique s'exprime aujourd'hui par d'autres ressorts. Elle s'exprime par des ressorts qui sont ceux, peut-être, de ce qui nous semble aujourd'hui naturel, qui en fait n'est pas naturel, c'est pas le bon mot, mais plutôt culturel. Ils sont intégrés dans notre culture, et notre culture valorise des conduites différentes en public, et les politiques se situent dans ce cadre général de l'évolution des conduites publiques. Pour autant, ils sont confrontés aussi, en premier lieu, à d'autres contraintes. L'une des premières contraintes, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la contrainte de rôle. Elle n'est pas négligeable, cette contrainte de rôle, c'est pas le rôle au sens du rôle du comédien, mais c'est comment les institutions définissent des façons d'être en dehors même du titulaire du rôle. Et ça, c'est un élément très très important, puisque la plupart des conduites publiques des politiques doivent correspondre à un certain nombre d'attentes, à un certain encadrement aussi. Il suffit de voir, par exemple, ce que doit faire un maire quand il dépose une gerbe à un monument aux morts. On sait tous comment ça peut se passer, c'est-à-dire ce recueillement. Les civils sont quasiment au garde à vous eux aussi. Et puis il y a cette avancée vers le monument aux morts, la gerbe éventuellement portée par deux assistants, ce recueillement présent, et finalement on voit mal comment faire autrement, comment réinventer ces conduites, donc elles ne dépendent pas de la personne qui dépose la gerbe. Donc ces contraintes de rôle sont très très fortes, et finalement nous avons tous en tant que citoyens tendance à exercer, à participer en tout cas à l'exercice de ces contraintes. Rémi Lefebvre, j'ai pris un petit extrait, enfin j'ai relu ça avant de venir, cite le cas un peu emblématique. Donc Rémi Lefebvre, un chercheur en sciences politiques, cite le cas emblématique de Nicolas Sarkozy, où il explique qu'en fait, il marque dès les premiers mois de sa présidence une distance avec le rôle, c'est-à-dire qu'il va s'affranchir en partie des contraintes de rôle, du rôle présidentiel tel qu'il s'est défini progressivement dans toute l'histoire de la République, mais particulièrement aussi dans l'histoire de la Ve République, avec ce président tout-puissant incarnant quasiment seul le pouvoir, comme on dit. Et au début, ce qu'il note, parce qu'on oublie facilement même cette histoire assez récente, au début, c'est interprété par beaucoup de commentateurs, les commentateurs ont leur rôle dans l'interprétation, c'est interprété comme un élément de modernité, le fait de s'affranchir des contraintes, et puis, et de simplicité. Et puis, donc le président se conduit comme tout un chacun, il introduit une sorte de rupture avec cette solennité empruntée par tous les autres avant lui. Et puis, finalement, ça provoque aussi, du fait de la multiplication des écarts de langage, le fait de participer à la mêlée, par exemple, d'inciter à la bagarre, par exemple, avec un pêcheur, enfin, d'invectiver, plutôt que d'apparaître en retrait, le corps droit traversant la foule et ne s'arrêtant pas, n'entendant pas, évidemment, enfin, tout ce qu'on peut lui dire de désagréable, éventuellement. Cette façon d'être est une rupture beaucoup trop marquée. Et la deuxième partie, enfin, assez rapidement, finalement, dans la deuxième partie du mandat de Nicolas Sarkozy, il revient, il rentre à nouveau dans les contraintes de rôle, montrant qu'on ne peut s'en affranchir qu'en partie. Alors, il doit endosser en fait ce rôle. Il peut s'en écarter, bien sûr, mais dans une faible mesure. C'était la même chose avec ce qu'on a vu avec les portraits présidentiels. Évidemment, on n'imagine pas un président, sans parler d'une photo officielle en maillot de bain, bien sûr, mais on ne l'imagine même pas, peut-être sans cravate, par exemple, hein, et où c'est difficilement, où ça serait beaucoup commenté aujourd'hui. Alors, il y a bien ces contraintes de rôle, mais finalement, le rôle, on l'a vu avec les critiques qui ont été exercées sur la présidence Hollande, c'est des critiques là-dessus, évidemment, hein, je ne parle pas d'éventuelles questions sur la politique elle-même, mais ces critiques sur le rôle, on disait, il ne fait pas assez président, il n'a pas compris ce qu'était le rôle, ou il n'incarne pas assez. Chose difficile à mesurer, mais qui participe des critiques et d'une définition, bien sûr, un peu implicite de ce que ça devrait être. Et pourtant, on voit bien qu'il y a eu des évolutions progressives de la représentation publique des personnalités politiques entre les années 1960 et aujourd'hui. Qu'il y a des manières d'exister publiquement des personnalités politiques qui vont se transformer. Et dans la concurrence politique qui est devenue de plus en plus individualisée, de plus en plus personnalisée, la construction d'image, de l'image publique, va être amenée à jouer un rôle important au détriment des éléments collectifs, hein, qui font la politique, les partis, les groupes, les individus vont arriver au premier plan et l'image des individus va être un élément très très important. Et dans ce rôle, dans ces transformations, la télévision a joué un grand rôle. On regarde deux extraits d'émissions. Laissez-moi vous donner un dernier point qui est intéressant sur le plan du niveau de vie. Une récente enquête de l'INSEE a examiné l'augmentation du niveau de vie de l'ensemble des différentes catégories sociales de travailleurs. Eh bien, je vais prendre simplement, il y a quatre chiffres, simplement le groupe dit des manœuvres et ouvriers spécialisés, groupe arrêté par l'INSEE. En avril 1960, 19,5% seulement des ménages de ce groupe avaient une automobile. Aujourd'hui, plus exactement en décembre 69, 52% des ménages de ce groupe ont une automobile. En avril 60, 10,6% seulement des ménages de ce groupe avaient une télévision et auraient pu nous voir ici, Monsieur Marché. Aujourd'hui, 67,3% ont une télévision. Il en va de même pour les réfrigérateurs où on passe de 16 à 75% ou pour les machines à laver, etc. Si vous n'appelez pas cela une augmentation du niveau de vie, je ne vois vraiment pas à quoi vous pouvez faire allusion quand vous souhaitez défendre les intérêts sur ce plan des travailleurs. J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement. Et pas seulement les travailleurs, pas seulement les ouvriers, mais les paysans, les ingénieurs, techniciens, cadres, les fonctionnaires. Ce mécontentement réel qui existe à travers tout le pays et qui s'exprime chaque jour par les luttes, il est dû à quoi alors? Un homme orchestre? Il est dû. Vous croyez que c'est pas, vous croyez en que partie, ces gens sont. Mais il est dû également. Partie. Mais il est dû vous, également. On vous présente comme un jeune loup. Mais il est dû également. Vous avez vraiment du retard, Monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça, comme de, il y a 40 entendre ans. Ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de comme ça. Il y a 40 ans. L'homme au couteau entre les dents. Bon, si vous le voulez bien, nous passons maintenant rapidement, c'est-à-dire que nous ne nous attarderons pas beaucoup dessus, un second problème qui est extrêmement compliqué. On attendait l'événement depuis plusieurs jours à Chamalières, le match de football entre les commerçants de la ville et l'équipe du conseil municipal avec le maire à la tête, bien sûr, M. Valéry Giscard d'Estaing, fidèle au rendez-vous de ce dimanche matin. La foule était là également, 3000 personnes au moins lorsque les équipes se présentèrent, de quoi faire rêver le trésorier du club de football chamaliérois. Les commerçants à droite en première mi-temps étaient bien décidés à ne pas s'en laisser compter par le ministre des Finances et ils dominaient ce début de match après cette attaque spectaculaire. Tant et si bien que le premier but allait être à leur actif. Et ce, malgré une tactique défensive efficace du capitaine de la mairie. 1-0 donc au repos, on avait joué 15 minutes, mais elle comptait bien triple pour les 22 acteurs qui se relançaient pourtant dans la bataille. Les troupes du ministre des Finances égalisant peu après la reprise. Un but partout, les commerçants faisaient le forcing à nouveau. Ils allaient reprendre l'avantage juste après le but égalisateur. On s'acheminait donc vers une défaite des élus, mais coup de théâtre à une minute de la fin. À la suite d'une action confuse devant les buts commerçants, l'arbitre accordait un pénalty à la mairie. Le premier magistrat n'allait laisser à personne le soin de faire justice. Score nul donc deux partout, les deux équipes avaient pourtant bien gagné une bonne douche. Monsieur le ministre, nous avons écouté dire que vous avez profité de votre voyage à Reykjavik chez M. Gudmundsson pour prendre quelques leçons de football. Mais malheureusement, j'en serais bien voulu, mais il n'y a que le président Pompidou qui soit descendu chez lui. Moi, j'avais entendu un interview à la radio à la veille de notre départ et on me disait en effet que j'habiterais chez lui. Alors je me disais, je vais demander des conseils pour la préparation de ce match. Et puis finalement, il n'y a que le président Pompidou, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir les derniers secrets de M. Gudmundsson. Oui, mais enfin, vous voyez, à mon avis, il y a une graine de footballeurs en réserve en France, beaucoup plus qu'on ne le croit. J'étais frappé de voir sur le terrain la qualité de la ligne d'avant de nos adversaires, d'ailleurs. Les commerçants n'ont pas été trop coriaces. Ben, vous avez vu, c'était un match assez dur, il y a eu des heures, mais enfin, c'était très correct, et j'ai remarqué que la foule avernière n'était pas venue sur le terrain. Dans un bon esprit, vous avez réussi le pénalty qui a fait le match nul, votre équipe était menée 2-1, je pense. Oui, alors nous tenions beaucoup, si vous voulez, à ne pas nous faire enfoncer. On remarquait une petite victoire de nos adversaires, c'était tout à fait naturel. Mais enfin, comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, puisqu'il ne restait plus qu'une minute et demie à jouer, après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation. Ça s'imposait et comme ça, tout le monde est satisfait. Exactement. Il fallait quand même qu'on marque des buts de part et d'autre, parce que sinon, on aurait cru que nous n'avions pas joué dans un esprit sportif. 2-2, c'est une marque tout à fait classique d'un vrai match de football. Vous n'avez pas l'intention de persister dans l'équipe de Chamalières, cela ramènerait beaucoup de monde au stade. Non, il y a de très bons joueurs, nous avions des joueurs en réserve, et là, c'est parce que c'était l'équipe du conseil municipal, mais rien ne démontre que le conseil municipal n'aura pas d'autres initiatives de ce genre dans l'avenir. Alors, j'ai choisi ces deux petits extraits parce qu'ils nous montrent deux choses différentes qui vont prendre beaucoup de place à la télévision. Qui montrent des changements importants à la télévision. La façon de montrer les hommes politiques, ces gros plans dans l'émission Armes égales, qui date, cet extrait date de 1971, qui était une des grandes émissions politiques de ces années-là, un des grands rendez-vous hebdomadaires. Et dans cette émission, on voit très bien ce que presque, d'ailleurs, on ne voit plus tout à fait comme ça, c'est-à-dire les très très gros plans. Les téléviseurs étaient plus petits aussi, peut-être ça joue, hein. Les très très gros plans de visage, l'utilisation du contre-champ pour montrer finalement les coups portés, hein, comment la personne en face réagit, et ces contre-champs nous disent quelque chose finalement de la valeur des arguments, du coup de poing dans l'estomac qu'on a réussi à mettre. Et c'est une dramaturgie particulière de l'émission politique. Comment ça va se prolonger ? Ça va se prolonger par la suite, justement, par le fait que les politiques doivent se soumettre à cette contrainte forte que la télévision amène, qui fait qu'on observe les émotions, qu'il y a peut-être un risque aussi à les montrer ou à montrer qu'on est en position de faiblesse. Et un des exemples de ça, c'est finalement les débats d'entre-deux-tours des présidentielles qui vont finalement être tellement contrôlés qu'il ne s'y passera plus rien d'une certaine façon dans l'image, en tout cas l'image est extrêmement stéréotypée. Le deuxième extrait avec ce fabuleux match de foot trop souvent oublié au profit de la Coupe du Monde de 98, eh bien c'est assez intéressant. D'abord, on voit de la télévision d'époque qui fait quelque chose de très long sur pas grand-chose, hein, et qui rediffuse même le pénalty du ministre des Finances de l'époque. C'est intéressant parce qu'on peut dire que c'est véritablement des éléments intimes et personnels qui sont mis, qui sont agencés en fait, hein, et c'est pas d'une certaine façon pas laissé au hasard. On voit très bien d'ailleurs le professionnalisme de Giscard d'Estaing qui tantôt regarde celui qui pose des questions, mais aussi tantôt s'adresse directement à la caméra comme un vrai professionnel. Et dans cette façon de se montrer, d'exister, il y a une rupture avec ses prédécesseurs. On l'a dit, l'avantage de la jeunesse, mais aussi la volonté de construire un personnage public avec des éléments de l'intimité. Un chercheur a appelé ça l'intimité publique, parce que si c'était vraiment intime, ça ne serait pas public, mais il y a une construction d'une intimité publique qu'on verra par la suite. Le rôle de la télévision là-dedans est un rôle majeur, puisque précisément, la télévision va petit à petit essayer de transformer l'émission politique ou de donner une valeur ajoutée à la politique qui est finalement regardée toujours par des gens souvent âgés et souvent cultivés. Et on n'arrive pas beaucoup à changer ça. Eh bien, on va essayer de rendre le spectacle plus attrayant en introduisant d'autres éléments. Et c'est ce qui va se passer au fil du temps quand, par exemple, des émissions mettront en scène l'intimité des personnes, et ce n'est pas d'hier. Le premier exemple qu'on a dans la télévision française, ça sera Question à domicile, une émission où on fait de la politique, mais on va au domicile des gens. Bien entendu, les politiques, quand on filme leur chambre à coucher, ils s'arrangent pour mettre un livre de chevet et qui n'est pas évidemment leur collection complète de plastiques des museaux, mais plutôt un livre de Marguerite Duras, par exemple. Et donc, en fait, tout ça devient finalement quelque chose de construit et de contrôlé, mais aussi quelque chose qui amène une tension forte, c'est-à-dire comment on se présente dans son intimité même. Et c'est un franchissement, ce n'est pas quelque chose qui va vers une vérité de la politique, hein, une vérité de la personnalité, mais plutôt un nouvel élément à construire. Hein. Et cette filiation qui se trouve avec cette émission, je disais, Question à domicile, première émission où on va au domicile des politiques, elle se continue avec Vivement Dimanche, quand à la fin des années 90, on accueille des politiques et on fait parler les amis, la voisine, etc., qui disent tous que la personnalité politique est formidable. Et puis jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, il y a les émissions avec Karine Le Marchand qui montrent aussi justement une intimité publique, évidemment, avec tous les degrés de construction. Alors, au fil du temps, les personnalités politiques vont devoir être des acteurs, et des acteurs dans des cadres de plus en plus complexes, sur des scènes de plus en plus variées. Et c'est notamment à la fin des années 90, quand arrivent ces scènes du divertissement, où des animateurs, ben, finalement, font des espèces de tests comportementaux des politiques à la télévision. Bon, on connaît Thierry Ardisson, on a peut-être un peu oublié ce que faisait Faugiel à une époque, ou Stéphane Bern, qui vont amener des très fortes contraintes aux politiques en faisant des personnages parmi d'autres sur un plateau, en les mêlant à des acteurs, des actrices, des chanteurs, etc., des gens du show business, des humoristes aussi, et en désacralisant en grande partie la parole politique, puisque dans cet ensemble d'invités, le politique n'a pas plus de droit à la parole que n'importe quelle autre personne sur le plateau. En arrière-plan, on peut avoir aussi à l'esprit le fait que des émissions politiques plus classiques existent. Et en fait, l'homme politique ou la personnalité politique, je dis très souvent l'homme, on sait que c'est un milieu extrêmement masculin. Et puis qu'en sciences politiques, on reprend les paroles des grands anciens et qui disent souvent l'homme politique, puisqu'à leur époque, il n'y avait que des hommes. Mais les femmes sont soumises aux mêmes contraintes, avec d'autres types de contraintes. Je n'aurai pas le temps d'analyser ici, très genré, hein, pourrait-on dire. Et en fait, il y a bien dans la personnalité politique de premier plan à gérer une tension. Gérer une tension entre le personnage public tel que le définit le rôle, et puis gérer quelque chose qui est de l'ordre de la proximité, de l'intimité, qui montre qu'on est un peu un citoyen comme les autres. Cette démonstration se fait notamment autour du fait que la sensibilité est mise en avant, que l'émotion doit apparaître, plutôt que le dirigeant froid d'un pays qui possède, enfin qui a autorité sur les armées et qui a au bout de son index la force nucléaire, eh bien il y a aussi l'homme, sa famille, son intimité, ses émotions. Il faut très souvent, enfin aujourd'hui, finalement, chez les personnalités politiques, l'idée de vérité s'appuie sur l'idée de sensibilité. Hein, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent et qu'on a pu voir tout à fait dernièrement quand je préparais cette intervention. Quand, par exemple, la réponse de François Fillon, c'est de venir avec sa femme dans un meeting et de donner comme réponse et de faire filmer l'émotion au moment où toute la salle a applaudi et où elle est au bord des larmes. Alors on voit bien que l'émotion est devenue extrêmement légitime, comme le montre cette déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy le 14 janvier 2007 au congrès de l'UMP. Dans ce moment que chacun devine si important pour la France, si important pour l'avenir de chacune de vos familles, si important pour moi, plus que n'importe quel autre sentiment, ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Cette émotion, j'aurais pu essayer de la qualifier, j'aurais pu l'exprimer dans un mot, j'aurais pu vous dire merci. Mais ce merci n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'éprouve en cet instant. Il y a des sentiments qui sont si forts qu'il n'y a pas de mots assez grands pour les dire. Il y a des sentiments qui se ressentent tellement qu'on n'a pas besoin de les nommer. Cette émotion qui me submerge au moment où je vous parle, je vous demande de la recevoir simplement comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité, de mon amitié. Alors, on voit bien qu'il y a bien d'autres choses dans ce discours par la suite, mais le fait de mettre l'émotion au premier plan dit en fait que la censure qui pesait sur l'émotion, non seulement le général de Gaulle, par exemple, n'aurait pas fait ça, non seulement il n'aurait pas été mis en examen, mais il n'aurait pas aussi parlé de manière aussi sensible, il ne l'a jamais fait. Mais en même temps, il a lui-même avancé vers... il est un des maillons de cette chaîne, puisque précisément quand il fait campagne en 1965, eh bien, il quitte son costume de général, il enlève ses lunettes et puis fait des entretiens un peu au coin du feu. Et donc ces changements sont très progressifs et ils ne datent pas d'hier. Mais ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que cette émotion, témoignage de vérité, est une émotion en fait exigée. Et en fait, s'il n'y a pas assez d'émotion, c'est vu aujourd'hui comme quelque chose, ou de sensibilité, vu aujourd'hui comme quelque chose qui manquerait à la panoplie complète de la personnalité politique. Un petit extrait le montre. J'ai eu cette chance que beaucoup n'ont pas eue. J'étais heureux à l'école. Je ne suis pas sûre que cela ait contribué à me faire aimer. En France... Pour des raisons assez mystérieuses, la figure du bon élève, du premier de la classe ou du fort en thème est tout sauf sympathique. Je n'ai pas beaucoup de mérite à avoir été bon élève puisque j'aimais ça. Mais franchement, pourquoi faudrait-il s'en excuser ? Techno, froid, insensible. Le jugement me blesse et je continue à en souffrir. Je le ressens comme profondément injuste. Avec le temps, je me suis arrondie, au moins psychologiquement. Je le dois à la vie, aux épreuves, aux rencontres, aux expériences accumulées. J'utilise souvent l'image du vin de Bordeaux, qui n'est jamais aussi bon que quand il a un peu vieilli. Froid ? Parlez-en aux anciens de la bande du 18e et aux patrons des bistrots où nous avions l'habitude de nous retrouver. Je rêve toujours du hareng pomme à l'huile de la pomponnette en haut de la rue Le Pic. C'est en famille que je suis vraiment moi-même. Naturelle, sans masque. Ma famille est ce qu'on appelle une famille recomposée. Je me suis mariée une première fois alors que je n'avais pas 20 ans. Mariage d'amour qui a duré 25 ans. Christine m'a donné 2 enfants merveilleux qui, à leur tour, m'ont donné 5 petits-enfants que j'adore. Trop souvent de loin, hélas. En 1993, 2e mariage d'amour. Isabelle entre dans ma vie. Elle a déjà 2 enfants et aujourd'hui un petit-fils que je considère aussi comme les miens. Et Clara, notre fille chérie, vient au monde en 1995 à Matignon. Tous ensemble, nous avons des liens étroits construits sur le respect, l'affection sincère et une bonne dose d'intelligence. Alors, vous avez peut-être reconnu un extrait du dernier livre d'Alain Juppé, où justement, il consacre un passage, une partie de celui que vient de lire Émilie, à montrer qu'il n'est pas ce personnage public qui lui est souvent renvoyé, et où il donne des témoignages, où il tente de donner des témoignages qu'il est un autre et qu'il est aussi comme les autres, sensible, etc. Cette émotion, je suis tombé sur un article qui disait que, par exemple, le président Obama, et c'est sans doute le premier président des États-Unis de toute l'histoire, a pleuré au moins une fois par an. Et il a pleuré, mais il a pleuré non pas en fondant en sanglots, et c'est là en ça que les émotions, elles subissent exactement le même type de contrôle et de censure que n'importe quel autre type de comportement. Les émotions doivent être rendues acceptables. Elles sont acceptables parce que, par exemple, pour les images de Barack Obama, à chaque fois qu'il pleurait, c'était en essuyant furtivement une larme, en ayant une émotion extrêmement contenue et maîtrisée, qui montrait précisément à la fois cette liberté avec le rôle, un des premiers présidents des États-Unis à pleurer, aussi souvent en tout cas, et puis d'un autre côté, eh bien, cette maîtrise qu'il faut avoir pour jouer juste par rapport à ce qui est attendu. Alors bon, bien sûr, c'est ce que nous dit Norbert Elias dans La civilisation des mœurs, et puis c'est aussi ce que dit un de ses disciples, Cass Wouters, quand il dit, finalement, quand on a des éléments, des situations informelles, il faut non pas se laisser aller, mais au contraire faire preuve d'un contrôle encore plus fort de ses pulsions pour essayer d'avoir le comportement le plus ajusté. Je terminerai en tout cas sur cette partie un peu sur les émotions, sur une citation du sociologue Anthony Giddens qui résume ainsi l'enjeu des apparitions publiques des politiques et qui dit « Le scénario est écrit, la scène est prête, et les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le rôle préparé pour eux. » Mes chers amis, c'est ici, à Saint-Quentin, que j'ai voulu être ce soir. Ici, sur cette terre de Picardie, si longtemps vouée au malheur de la guerre où tant de sang fut versé pour la France. Dans cette ville martyre qui, par trois fois au moins dans son histoire, fut détruite. De fond en comble, mais qui n'a pas accepté de mourir. Toujours relevés par la ténacité de Français qui n'ont jamais ménagé leur travail et leur peine. Mes chers amis, c'est dans ce département du Val-de-Marne où se sont toujours mélangées les classes sociales, où dans chaque village, dans chaque ville, des vieux noms familiers nous renvoient l'écho lointain d'une histoire de France. Mes chers amis, je suis venu jusqu'à vous parce que j'aime la dignité et la fierté de la Réunion. Cette terre de volcans, c'est la terre de France, aussi sûrement que le sont la terre de Normandie et la terre blonde de Provence. J'aime cette île dont les noms ont suivi le cours de l'histoire, île Bourbon, île Bonaparte, île de la Réunion, île de conquête, de Forban, de bâtisseur. Mes chers amis, me voici une fois encore à Strasbourg, la plus européenne de toutes les villes françaises et la plus française de toutes les villes européennes. Mes chers amis, ce soir, à travers votre foule immense, c'est la Normandie tout entière qui montre qu'elle veut être une fois de plus au rendez-vous de l'histoire. Ce rendez-vous, elle ne l'a jamais manqué. Mes chers amis, j'ai voulu être ici, à Nantes, dans cette ville traversée d'histoire et de littérature, comme elle l'est de la Loire, ouverte sur l'avenir, comme elle l'est sur l'océan. Mes chers amis, c'est à Lille que je voulais lancer cet appel, contre la résignation, parce qu'ici, dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, l'on ne s'est jamais résigné. Ici, on connaît le prix du travail. Ici, on reste debout, quoi qu'il arrive, parce qu'ici, l'on fait toujours ce qu'on l'on a à faire. Mes chers amis, j'ai voulu en parler ici, sur cette terre de Bretagne, où l'on sait mieux que partout ailleurs ce que c'est que le devoir, ici, sur cette terre de marins, où l'on se transmet de génération en génération la conviction que l'honneur d'un homme, c'est d'abord de faire ce qu'il doit. Bien, comment enchaîner après ça? Merci. Alors, c'est intéressant de faire ce lien via les textes qui ont été cités maintenant, puisque justement, dans le discours politique, au sens complet du terme, c'est-à-dire au sens de Norman Fairclough, c'est-à-dire le discours, c'est pas simplement un texte, mais c'est un contexte d'énonciation, un contexte de mise en scène, mais aussi du verbal, donc voilà, du mot, du non-verbal, donc des expressions effectivement faciales, des mimiques, des gestuels, et du paraverbal, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la voix, donc les tonalités, les rythmiques, les volumes sonores, tout ça, ça veut dire quelque chose, et en tout cas, c'est mis en scène et représenté pour séduire précisément aussi les électeurs. On va peut-être commencer par regarder un petit extrait de débat, si vous voulez. Alors, laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. Laissez cela de côté, parce que la façon là dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents de voir leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous calmez-vous, et les parents, non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement, non, je ne me calmerai pas. Ben je ne me calmerai pour pas. Être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent Madame à la souffrance Royale, des gens. Est-ce que vous me permettez il y a des de colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles et qu'ont fait les écoles pour accueillir ces enfants qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi Madame Royale, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas les nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. De mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Est-ce que je peux répondre ? Vous permettez ? Et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royale s'énerve. Je ne m'énerve pas. Très bien. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé, alors ? Bon, cet extrait, vous l'avez sans doute encore en tête. Finalement, il a près de 10 ans bientôt. C'est quand même... le temps commence à filer aussi un petit peu. Ce qu'on voit, en fait, avec ce débat... Alors, évidemment, toujours, on est sur une théâtralité. On est évidemment dans le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle en France sur un moment qui est très attendu, très regardé. On est un peu, encore une fois, et j'en reparlerai, dans une espèce de jeu du cirque, hein, en fait, dans l'arène véritablement. Et là, on voit les deux gladiateurs s'affronter pour pouvoir en fait, ensuite faire un choix, lever le pouce ou bien le baisser sur l'un des deux. Et alors, du coup, ce qui est intéressant avec cette altercation, entre guillemets, qui voilà, est évidemment toujours entre le jeu et peut-être une forme de sincérité, ça, c'est évidemment à voir, c'est que mis à part une analyse qu'on pourrait faire sur l'aspect très, peut-être un petit peu genré ou machiste de la réponse de Nicolas Sarkozy, il y a d'abord quelque chose d'intéressant dans l'écart entre le verbal de Ségolène Royal et le non-verbal, qui va, en fait, par exemple, monter au fur et à mesure cet écart. Je m'explique. Au départ, on peut imaginer, et plusieurs conseillers, voilà, il y a eu plusieurs confessions autour de ce moment-là, qu'effectivement, il y avait une sincère colère sur la thématique que portait Ségolène Royal, non seulement parce que c'était une thématique qui lui tenait particulièrement à cœur, mais aussi parce qu'il y avait effectivement une forme de vexation dans le fait que les mesures qu'elle avait essayé de mettre en place aient été détricotées, comme elle semble le reprocher à Nicolas Sarkozy. Puis au fur et à mesure, on voit bien que ce qui se passe prend l'homme, la femme politique, là en l'espèce, dans une espèce de spirale, et elle sent, au moment où elle essaie de couper la parole constamment à Nicolas Sarkozy qu'elle a fait une erreur politique. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, dans la théâtralité, dans l'idée de séduire, puisque on parle de l'exercice du pouvoir, mais la conquête du pouvoir, c'est aussi déployer des trésors de séduction. Voilà, comme un oiseau essaie de montrer des plumes les plus colorées possibles aussi. Là, on a quelque chose qui se passe. Et surtout, ce qui se passe, et qui est très très intéressant, c'est un renversement de situation, évidemment. Mais c'est ce qui provoque justement le rire, je pense. C'est qu'on a un Nicolas Sarkozy qui, à l'époque, précisément, on le sait, ça a été largement dit et redit, est considéré comme quelqu'un de très très nerveux, qui perd ses moyens, qui a un tempérament comme ça, bileux, donner des leçons de calme, en fait, à quelqu'un qui, jusque-là, ne faisait pas figure, justement, d'une véritable nervosité. Donc, en fait, et c'est là que c'est intéressant, on assiste comme ça à des moments de basculement politique, parce qu'on a deux acteurs qui vont devoir aussi s'adapter à ce que l'autre en face a préparé comme représentation. Et pour Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, c'est même pas une question d'ailleurs d'être d'accord ou pas avec les idées ou la colère de Ségolène Royal, mais du point de vue purement stratégique, dans les discours, c'est du pain béni. Il peut redorer son blason d'une certaine façon, ou en tout cas essayer de remettre en place une image nouvelle. Et au moment où il attaque un petit peu Ségolène Royal sur ces questions-là, des conseillers de Ségolène Royal l'ont dit après, on a senti que c'était fini, quoi, que la partie était perdue. Parce que l'un des talons d'Achille de Nicolas Sarkozy, c'était totalement refermé et totalement renforcé. On va regarder un deuxième extrait, si vous voulez bien. Bonsoir, la France face à sa mémoire. Il y a 50 ans, à l'aube du 16 juillet 1942, la police française a arrêté 13 000 juifs à Paris et dans la région parisienne. 13 000 personnes, dont 4 000 enfants que l'on allait parquer au Veldiv, devenus véritablement l'antichambre des camps de la mort. 50 ans plus tard, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour exiger que l'État reconnaisse sa responsabilité. Interrogé récemment, François Mitterrand estime que la République n'est pas comptable des actes de Vichy. Mais il a fait un geste tout à l'heure en assistant à la cérémonie du souvenir. C'est la première fois qu'un président de la République s'associe à cette manifestation. Bruno Roger Petit. Le dépôt d'une gerbe. Le geste est simple, il se veut historique. Pour la première fois, un président de la République rend hommage aux victimes du Veldiv. Hommage qui se veut en lui-même, condamnation des crimes de Vichy. Mais voilà, François Mitterrand est hué par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. Au sifflet des uns répond l'indignation des autres. La dignité de la cérémonie est quelques instants troublée par ces manifestations, colère et émotion de Robert Badinter. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte! Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là! Vous m'avez fait honte! Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Retour à la dignité pour exiger justice et vérité. Car après tout, tous ceux qui s'étaient rassemblés ce soir, connus et inconnus, autour des ultimes survivants de la RAF, tout cela était bien là pour témoigner par-delà les polémiques que si l'histoire est le tribunal du monde, la mémoire, elle, demeure toujours l'avocat des justes causes. Alors, quand on parle d'émotions feintes, non feintes, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en général, c'est dû notamment à une fusion, ou en tout cas un rapprochement très très fort entre ce qui est exprimé verbalement et tout le reste, donc le paraverbal et le non-verbal, là, on perçoit une légère différence, malgré tout, entre la colère saine de Ségolène Royal, qui, en fait, au fur et à mesure, avance dans un jeu, alors qu'avant, peut-être, il y avait effectivement une intuition de sincérité. Là, Robert Badinter, connu pour ses engagements, évidemment, dans la Ve République, va se laisser véritablement aller à une colère, de fait. Et on le voit sur son faciès, on le voit avec ses gestes, on le voit dans le paraverbal, dans la voix qui tremble, avec d'ailleurs ce tremblement de la voix qui fait penser quelque part un peu à des accents qu'on avait chez André Malraux quelque part. Il y a, dans ce moment-là, quelque chose de solennel qui est brisé. Et là, l'homme politique qui remonte pour essayer de reprendre la main, en tout cas sur la dignité républicaine et sur la dignité de l'État, va le faire avec un comportement qui est effectivement disruptif, si j'ose dire. Mais en même temps, c'est Robert Badinter, et qui mieux que lui pouvait, à ce moment-là, peut-être, entre guillemets, remonter sur scène, parce qu'à ce moment-là, il remonte littéralement sur scène pour prendre la parole, il n'était pas censé le faire, et en tout cas faire cette déclaration-là. Donc, on voit bien qu'il y a véritablement des distinctions entre ces émotions feintes ou non feintes, puis surtout, on se retrouve à notre époque dans un drôle de système. Quand on fait un peu de systémique, et c'est de là que je vous parle aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire des zooms vers l'arrière. Là, on est dans une période électorale, bon, très bien, donc on va passer là-dessus, si j'ose dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, au-delà de l'homme politique, évidemment, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce qui se passe autour. Et on a le jeu avec, évidemment, les médias, télévisuels notamment, des émissions de débat, des émissions aussi de commentaires, des émissions de commentaires de commentaires, des émissions d'éditorialistes qui commentent les commentaires des commentaires, etc., etc. Bref, sur une espèce de ligne comme ça, un petit peu vertigineuse, une spirale qui tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, il y a un autre pouvoir qui, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, tend à émerger, c'est celui des réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de plus en plus de recherches là-dessus, évidemment, notamment sur la question du travail politique, en tout cas l'utilisation politique de ces réseaux sociaux, puisque on sait qu'on a un certain nombre de bévues qui peuvent être faites par des hommes politiques ou des femmes politiques qui utilisent des réseaux sociaux comme Twitter, par exemple. Je dis Twitter parce que, vous savez, la grande facilité en général, c'est quand on fait un dérapage sur Twitter, la première excuse tout de suite dans la demi-journée, c'est « mon compte a été piraté ». Ce qui est formidable, ce qui dit aussi beaucoup de choses sur la distance qui sépare encore les femmes et les hommes politiques de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais quand je vous parle de pouvoir nouveau ou peut-être de contre-pouvoir, c'est que on a sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou d'autres types encore de réseaux, beaucoup de naissances de polémiques. Vous le savez si vous regardez un petit peu Internet, ou si vous êtes en tout cas dessus, il y a beaucoup de polémiques qu'on va relayer, des articles qu'on va relayer, etc., sur les réseaux sociaux, et des contre-polémiques qui sont allumées aussitôt. Et c'est aussi de là que vont partir des feux ou des contre-feux, que vont ensuite commenter les médias ou les chaînes d'infos en continu, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très très important dans l'histoire de la séduction et de la théâtralité à l'heure actuelle, puisqu'on assiste à un éclatement aussi des codes et des repères sur ce terrain-là. Vous l'avez vu, on était passé donc du tableau, si j'ose dire, à la télévision. Et effectivement, l'homme, la femme ou l'homme politique joue avec ces codes-là, les codes de la représentation, pour séduire et pour poursuivre une mise en scène qui, en fait, au fond, les dépasse, la mise en scène de l'État quelque part, de la mise en scène de l'État auprès du citoyen. Et ce qui se passe dans nos sociétés à l'heure actuelle, à mon sens, au sens d'autres aussi, c'est une confusion permanente. On a évidemment vu la question de la transparence, mais pas uniquement, entre l'homme politique, la femme politique, la vie privée, l'exigence de transparence, on l'a vu sur l'affaire Fillon, l'exigence aussi d'expertise constante, en fait, simplement, de l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion, qu'elle soit l'opinion publique ou l'opinion d'experts, reste toujours là pour commenter, dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et au fond, on passe beaucoup plus de temps, d'une certaine façon, et ça c'est sur les temps d'antenne, j'entends, à entendre ou à écouter ou à regarder des gens qui donnent leurs opinions sur ce qui se passe, que d'entendre les hommes politiques ou les femmes politiques eux-mêmes ou elles-mêmes. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau, et évidemment, c'est relayé par un certain nombre d'acteurs sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, qui vont eux aussi alimenter, encore une fois. Tout le monde, c'est ça que je veux dire, tout le monde, en fait, peut avoir une parole ou un discours qui vaut autant qu'un discours d'expert, qu'un discours d'homme politique. Et ça devient, sinon problématique, en tout cas interrogeant sur ce que devient aussi la démocratie. Alors évidemment, dans un pays comme la France, il y a en plus, et dans la Seconde République a fortiori, il y a en plus une tradition autour de la figure de l'homme d'État ou de la figure de l'homme politique, bon, qui petit à petit s'érode, mais qui le met un petit peu à l'abri de ces questions de vie privée. D'ailleurs, on a vu avec l'affaire Fillon, par exemple, que beaucoup de journalistes ou de commentateurs citaient d'autres démocraties, démocratie scandinave par exemple, ou anglo-saxonne ou à l'allemande, en disant s'il y avait ce type d'affaires, il y aurait tout de suite une démission, un retrait, quelque chose. Parce que, effectivement, du point de vue de la tradition, du point de vue aussi de l'histoire politique de ces pays-là, de ces démocraties-là, on n'est pas sur les mêmes registres et sur les mêmes repères. Et on ne séduit pas. On ne séduit pas les lecteurs de la même façon. En Angleterre, on le sait, par exemple, une question d'affaires, de mœurs avec une femme ou un homme politique, ça va tout de suite entraîner des réactions, puis un retrait ou une démission. En France, pas forcément. En France, pas forcément. On est sur autre chose. Le problème, c'est que dans ces repères qui sont normalement, en tout cas, les repères qu'on a l'habitude de voir sur la scène politique, beaucoup de choses se brouillent. Beaucoup de choses se brouillent. Et en plus de cela, on a derrière un besoin d'émergence. On l'observe hein, simplement, c'est pas une question d'être pour ou contre. Un besoin d'émergence, en tout cas, de force parfois anti-système, avec beaucoup de guillemets, tout ce que vous voulez derrière. Ou bien de force citoyenne pour essayer de porter d'autres types de paroles, ce qui montre bien aussi qu'on est sur un déséquilibre. Là, la posture qu'on a vue là de Robert Badinter, qui a un peu plus de 20-25 ans maintenant, c'est une posture qui paraît plus difficile aujourd'hui, moins envisageable en tout cas. Il n'y a guère à la limite que des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui, là aussi, jouent avec l'émotion, la colère, la sincérité, comme si le seul registre de sincérité était forcément la colère d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais mis à part ce type de personnalité, on a effectivement très très peu de place pour pouvoir, en tout cas, avoir des sorties beaucoup plus sincères. Là où c'est intéressant, et j'en terminerai là parce que je pense qu'on a dépassé largement le temps, mais ça va. Là où ça pose question, c'est que sur la question de la séduction par l'émotion, feinte ou non feinte, il y a évidemment tout un jeu qui se pose. Dans la question des éditorialistes ou des commentateurs ou des experts qui sont sur les différentes émissions de plateau télé ou autres, il y a évidemment toujours des commentaires sur ce que l'homme politique aurait vraiment voulu dire, ce que veut dire cette petite phrase lâchée à tel endroit, ce que veut dire ce petit geste, ce petit clignement d'œil, etc., etc. Mais derrière, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait inédit ou nouveau, derrière en tout cas, on passe beaucoup plus de temps à commenter ce type d'incident ou ce type d'indice ou de symbole ou de signe, et on fait vraiment du commentaire presque sémiotique parfois, au lieu effectivement de pouvoir travailler sur la question des idées, du fond politique, j'allais presque dire de l'épistémologie, mais en tout cas de ce que peut être un projet et de ce que doit être ce projet. Évidemment, aujourd'hui, on ne parle pas de ça dans notre rencontre, puisque précisément, ce qu'on cherche à regarder, c'est la manière dont on a ce jeu théâtral auquel on souhaite nous assister, et auquel et plusieurs chercheurs, en fait, en France, même à l'étranger, d'ailleurs, disent que on est en entrée en politique dans une nouvelle ère via les réseaux sociaux, notamment de jeux du cirque. Donc, on a comme ça différentes phases, parfois différentes. Différentes arènes ou différents combats qui se livrent en même temps dans le même cercle, et c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ce qui perd aussi, sans doute, un petit peu, soit les lecteurs, soit le consommateur médiatique, soit tout simplement le citoyen qui essaie d'avoir un avis sur ce type de questions. Si vous voulez bien vous prêter au jeu des questions, s'il y en a, ou d'éventuelles remarques, j'ai un micro qui peut circuler. Oui. Après ce qu'on a entendu, ma question s'adressera à Frédéric. Mais avant, comme l'a montré mon collègue Gourmand, on voit bien qu'on a construit des étiquettes et que ces étiquettes, au fil du temps, se sont transformées dans le champ politique. Elles sont devenues des étiquettes de discours, en tous les cas, c'est ce que vous avez montré. Et malgré cela, on voit bien que la démocratie n'a pas permis de passer de l'étiquette à l'éthique, de sorte qu'aujourd'hui, le discours, c'est un discours d'insincérité, en tous les cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Alors, peut-être que les hommes politiques ont à s'inspirer des acteurs, et c'est d'où ma question à Frédéric, c'est quand un grand acteur joue Hamlet, pendant qu'il joue Hamlet, il est Hamlet, en tout cas je l'espère, ce qui pourrait faire que quand un candidat se présente, on peut espérer que quand il joue son rôle d'homme politique, il est celui qu'il prétend être. Oui, il y avait beaucoup de théories du jeu différentes là-dessus, donc je n'ai pas très au fait de ça. Oui, sur la sincérité et l'insincérité de l'acteur, comme sur la sincérité et l'insincérité de l'homme politique, je ne sais pas trop, quoi vous répondre. Mais non, mais vous parlez de la période actuelle. Il ne faut pas faire ça. Il y a une sorte d'ambivalence. J'aimerais rebondir juste sur ce qui a été dit. Il y a chez les hommes politiques une sorte d'ambivalence, mais il y a aussi, comme ça a été d'ailleurs un peu pointé, dans ce que le peuple, entre guillemets, attend de l'homme politique, il y a aussi beaucoup d'ambivalence. Comme on disait, c'était évoqué sur le cas de Sarkozy, c'est vrai, de ne pas respecter la pompe, un peu le décorum républicain, a été, enfin, ce n'a pas été une bouffée d'air, mais il y a quelque chose que le peuple ou l'électeur, nous, considérons un peu comme désuet, et un peu comme pompeux, et un peu comme ridicule dans le cérémonial républicain quand il est assumé pleinement avec la garde républicaine, avec chose. Et il y a à la fois quelque chose, dès que l'homme politique sort de là, une sorte de sanction qui est donnée très forte, comme je pense par rapport à la sincérité et à l'insincérité, je pense qu'il y a une sorte de, d'ailleurs dans la pièce il y a un peu question, il y a une sorte de désir énoncé par le peuple, quoi qu'il soit, de résurrection républicaine, l'attente un peu de et d'ailleurs tous les personnages anti-système se présentent un peu comme ça, comme des hommes qui vont arriver et chasser les marchands du temple, comme ça, et à la fois sur les réseaux dont vous parliez, il y a une sorte quand même dans le peuple, une sorte de délectation à aller chercher le manquement, à aller chercher l'écart entre l'écart de sincérité de l'homme politique et ce que je veux dire n'a aucune conclusion, mais sur la sincérité et l'insincérité de l'homme politique, sans doute elle correspond aussi à une attente ambivalente ou ambiguë des électeurs et du peuple. Je crois que les deux ne vont qu'ensemble. C'est pour dire quelque chose. Juste embêté. Pour répondre à la question d'Anthony Taillefer. Simplement, il y a des recherches intéressantes de la part d'Alice Crick-Planck sur la notion de formule et de Georges Elias Sarfati sur la notion de doxa. Quand on croise les deux, ce qui est intéressant au fond, c'est que on a de plus en plus dans les discours publics, j'entends, dans politique y compris, mais public en général, des profusions de formules. Alors on l'a vu avec les petits textes lus sur, et, enfin, avec des formules très très générales, mais des formules qu'on doit retrouver, des codes qu'on doit retrouver. Cette profusion de codes en plus est contrainte par l'exercice médiatique. On attend une doxa qui va sortir d'un discours politique, et en même temps on attend cette doxa, et d'une certaine façon il y a un rapport très ambivalent à ce discours là pour moi, notamment aux formules. On a besoin de les entendre et de les retrouver pour pouvoir ensuite les critiquer ou pouvoir critiquer la sincérité ou pas de ce type de paroles qui sont en fait déjà prêtes à l'emploi et prêtes en tout cas à l'emploi médiatique. Je pense qu'il y a aussi peut-être cet espace-là un peu compliqué. Dans l'interview rejouée que vous pouvez voir dans l'installation Les Spécialistes, il y a l'interview d'un communicant qui est une agence de communication qui fait du média training et un point important qu'il développe, c'est que dans les cours de média training, il part toujours aussi de quelque chose de vrai. Il cite par exemple Chirac et la tête de veau et la corona, et il cite en fait l'histoire de ces communicants qui ont décidé en fait de ne pas mettre la lumière sur la collection d'art primitif, de ne pas mettre la lumière sur les Weston qui coûtent cher. Ils ont décidé de mettre la lumière sur un pan de sa personnalité, mais qui est vrai aussi, qui est peut-être le plus partageable, qui est la tête de veau et la corona. Donc je trouve ça intéressant dans cette description de voir là où le vrai et le faux se frottent et comment le vrai est construit aussi par le politique, mais par de quelque chose d'honnête et d'existant. Et ce communicant nous dit d'ailleurs, on ne peut pas implanter ça chez quelqu'un, parce que sinon ça ne marche pas. Oui. Oui, sur le texte, mes chers amis, ce sont des extraits de discours de Nicolas Sarkozy. J'ai simplement pris, mais en fait, je ne fais pas une fixation sur Nicolas Sarkozy. Et ce genre de discours existe de la part de n'importe qui. Il y en a. Et même d'ailleurs, je vous conseille un livre comme ça qui s'appelle Bain de foule, hein, Nicolas Mario, qui, sous la Troisième République, parle des voyages en province, et c'est exactement la même chose déjà. Donc c'est parce, tout simplement ce que j'ai trouvé dans un livre où ces éléments étaient regroupés. Et on retrouvait la même chose. Et en même temps, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on s'attend aux éléments du rituel, et ces éléments du rituel doivent être réinterprétés avec talent. Mais finalement, Frédéric connaît bien ça. On peut encore rejouer Molière, me semble-t-il, et y trouver d'autres choses, et donc réinterpréter à nouveau, avec tout le talent possible, des textes anciens, et finalement, dans ces discours qui sont à la fois d'hier et d'aujourd'hui, il y a exactement la même chose, à mon avis. Juste, éventuellement, pour revenir aussi sur la question de la sincérité, je crois qu'il est très difficile de faire la part entre ce qui relève de la sincérité et ce qui relève de la feinte. Une chose est sûre, malgré tout, c'est que c'est un code aujourd'hui politique dominant, c'est-à-dire que ça fait partie d'une rhétorique politique qui est incontournable, qu'on a vu apparaître, qui n'existait pas nécessairement il y a 20 ou 30 ans. Et ce code de la sincérité, il ne nous dit pas, il ne nous renseigne pas en tant que tel sur la sincérité de l'homme ou de la femme politique. Il nous renseigne surtout sur ce que doivent dire les hommes et les femmes politiques pour tenter de nous séduire, pour tenter de nous convaincre. C'est en ce sens-là que l'on peut peut-être en tirer quelque chose, de la même façon que les hommes politiques, on le voit bien à travers Fillon et autres, distillent une éthique du désintéressement, aujourd'hui teintée de dolorisme et de vision sacrificielle pour François Fillon, mais tout cela fait partie quand même d'une rhétorique politique assez consommée qui nous dit... qui nous renseignent sur ce que doivent dire les hommes politiques et les femmes politiques, mais qui ne nous renseignent pas sur leurs convictions réelles, sincères, tout simplement. Là, on est aussi dans la part du jeu politique et du rôle qui est attendu de la part des citoyens. Mais pour compléter ça, un concept qui est très intéressant, à mon avis, c'est celui de scène, précisément. Et ces scènes existent aussi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire comment nous sommes en famille, c'est tout autre chose de ce que nous sommes au travail avec des collègues ou à un autre moment dans une représentation publique plus élargie. Et finalement, ces scènes existent et à aucun moment la question de notre sincérité ne se pose pour nous. Et en même temps, nous jouons ces rôles sociaux. Y compris d'ailleurs le rôle professionnel pour comparer à celui du professionnel de la politique avec la même sincérité, le même engagement, et il est extrêmement difficile de continuer à vivre et à accomplir ces rôles en n'ayant pas un minimum, en n'investissant pas un minimum d'illusio, comme dirait Bourdieu, enfin, vous comprenez un peu ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire de soi-même, un engagement véritable. Au moins cet engagement est véritable au moment où on le fait. Après, comme vient de le dire François, ce n'est pas la question de la vérité qui est la plus intéressante, c'est la question de cette vérité mise en mouvement, en public, devant des publics différents. Et ces vérités sont différentes. Je terminerai avec une petite anecdote. Vous connaissez peut-être un film qui a été réalisé sur la campagne de Georges Frêche, qui s'appelle Le Président, qui montre assez bien ça. Dans le film, on voit... À un moment, Georges Frêche, candidat, qui devant une salle pleine à craquer, fait un discours extrêmement émouvant sur son père qui est parti avec ses sabots sur le dos, n'ayant plus rien, pieds nus. Et c'est très émouvant et les larmes coulent. Et on ne douterait pas, quand on voit le film pour la première fois, que tout cela est vrai, ressenti et tout à fait profond. Et d'une certaine façon, c'est vrai, c'est tout à fait ressenti, tout à fait profond. On s'aperçoit après, évidemment, il raconte l'histoire lui-même, que son grand-père est sorti couvert d'or en ayant vendu des terrains pour construire le chemin de fer, je ne sais plus quoi. Et en même temps, on comprend très bien qu'au moment où il l'a fait, eh bien, une part de ce métier politique, comme nous autres acteurs sociaux sur des scènes différentes, la question de la sincérité ne se pose pas. C'est celle du moment où on joue ce personnage social, quoi. Oui, il faut quand même qu'une différence, c'est que si nous théâtralisons... Et si nous sommes en représentation dans la vie ordinaire, comme le montre bien Goffman dans la sociologie interactionniste, c'est que les hommes politiques et les femmes politiques, à la différence, eux, ils ont un intérêt éventuellement à cette mise en scène directe qui est le but de maximiser les chances, d'optimiser les chances de victoire électorale. Donc, c'est-à-dire que c'est une dimension très importante du métier politique. Et disons qu'en fait, pour rebondir là-dessus, justement, ce que François dit en plus, c'est que sincérité ne veut pas dire forcément vérité. Précisément, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on peut être extrêmement sincère, c'est l'exemple de Georges Lefrèche, extrêmement sincère, sans raconter quelque chose de nécessairement vrai. Et comme à l'heure actuelle, on parle maintenant de l'ère de la post-vérité, bientôt aussi, etc., on arrive sur ce type de questionnement-là. Oui, bonsoir messieurs, mesdames, merci, vous nous avez donné du grain à moudre. Il y a une question que je me pose, puisque vous avez parlé de la post-vérité, ça concerne l'élection de Trump. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une nouvelle ère finalement, avec des discours très formatés, très écrits, où finalement les scénarios sont parfaitement écrits et les langages bien cadrés pour les hommes politiques? Peut-être que Trump, qui a complètement fait exploser justement ce langage formaté, répond à une attente d'un citoyen qui commençait à se lasser de ce formatage, et parce que finalement peut-être que les hommes politiques ressemblent exactement à leur époque et aux citoyens qui les élisent. Bon, c'est moi qui dois me jeter là-dedans. Pardon. En fait, ce que vous dites me fait penser au... Trump, c'est un exemple assez assourdissant, quelque part, d'un échec, peut-être pas d'un échec, mais en tout cas d'une espèce de... Tout ce qui avait été dit sur Trump, écrit sur Trump, était censé suffire pour justement que cette personne, pas sérieuse, certains disent même psychologiquement instable, ne soit pas président, c'était donc impossible, etc. etc. Et je pense que il y a quelque chose qui se passe actuellement dans la démocratie occidentale en général, qui, je m'avance un petit peu, hein, mais qui en fait donne une espèce de tension entre deux pôles. Le premier pôle, c'est effectivement un retour à un ancien ordre républicain avec des vraies valeurs telles qu'on les fantasme, en fait, puisqu'elles n'ont jamais évidemment été appliquées de la manière dont on voudrait qu'elles le soient. Et puis, de l'autre côté, vraiment une rupture, vraiment totale, une disruption totale avec des codes bien établis. Et le premier code, l'un des codes, en fait, en tout cas, non seulement il y a les discours, mais aussi les codes, j'allais dire, des mises en scène jusqu'à une élection. Les sondages font partie de ces codes-là. On s'attend à avoir des sondages, on s'attend à avoir des tendances. Et évidemment, une fois qu'on a des tendances, les citoyens peuvent très bien, justement, jouer pour se dire, ah ben, puisque lui, il est à telle hauteur, je vais voter pour un tel, etc. On a des calculs, évidemment, électoraux de chacun d'entre nous, en fonction de sondages ou de photographies à un instant T. Moi, je pense que la disruption, elle vient surtout du fait que quand on cherche à briser des codes, on ne cherche pas forcément à les briser, on veut envoyer un signal. Quand je dis ça, c'est que je pense au Brexit. Une fois que les Anglais se sont prononcés sur le Brexit au niveau du référendum, il y avait eu un petit reportage, un petit micro-trottoir en fait, hein, qui interrogeait des gens qui avaient voté justement pour le Brexit et qui étaient catastrophés. Ils étaient catastrophés parce qu'en fait, ils disaient ben, « Non, mais moi, je ne voulais pas qu'on sorte vraiment de l'Europe, mais je voulais dire que j'en avais marre. » Et en fait, il y a ce moment de bascule, c'est-à-dire qu'on cherche à exprimer un mécontentement, on cherche à exprimer en fait, effectivement un besoin de changement fort, de disruption forte, etc., etc. Et en même temps, avec cette crainte de, qu'on aille vraiment vers l'inconnu. Puisque là, du coup, effectivement, avec Trump, c'est l'inconnu depuis total. Tous les jours, on a un feuilleton sur les décisions qu'il prend, les incohérences qu'il va pouvoir produire, etc. etc. Mais c'est hyper, hyper compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut... Oui, juste une question peut-être pour Pierre et puis pour François Hurlan. Vous avez décrit tout à l'heure la manière très bien dans la Ve République à concentrer l'incarnation de l'État-majesté sur une seule personne. Et avec toute la, en plus l'impact hein, social, politique de ce qu'est l'histoire de l'État en France, les Français ont un rapport à l'État qui n'est évidemment pas celui qu'on a dans les pays anglo-saxons par exemple. Donc on a investi du coup une personne, la Ve République a investi une personne de pouvoir magique pendant la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on a l'impression pendant la campagne électorale qu'ils peuvent tout faire. Ils veulent l'air, la terre, le feu, enfin et l'eau, ils peuvent. Et du coup la compétence oratoire participe de l'incarnation de ce pouvoir un peu magique. La Ve République a appelé ça encore plus. Et du coup, la compétence oratoire est même devenue un critère déterminant de sélection du candidat à l'élection présidentielle. On a tous en tête, enfin moi, les phrases classiques de mes parents ou de mes grands-parents, oui, mais lui, il parle bien, c'est vraiment un orateur, on peut lui faire confiance. Et aujourd'hui, je me demande si la Ve République, parce qu'effectivement, ça crée un décalage majeur entre le pouvoir magique duquel on les investit, et puis la réalité après. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, bah, ils n'ont évidemment pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir, y compris par l'aspect du discours et la puissance oratoire. Si aujourd'hui, et les primaires le montrent peut-être avec la désignation d'un Benoît Hamon avec ses hésitations, qui n'est pas un bon orateur, qui est d'une forme de sobriété, on a l'impression quand il fait un discours, Benoît Hamon qui parle avec vous dans un café, quoi. Ou même François Fillon qui a incarné, qui en a joué l'extrême sobriété dans le discours. Je me demande si aujourd'hui l'éloquence, dans ce qu'elle avait de traditionnel dans la 5e République, n'est pas devenue contre-productive et si les gens ne se sentent pas rassurés, au contraire, par des gens qui ont mis l'éloquence un petit peu dans leur poche, en quelque sorte, et incarnent une forme d'hésitation, de discours beaucoup plus simple. Alors, sur la question de l'éloquence, il me semble que l'éloquence, elle n'est pas l'apanage historiquement de des présidents de la 5e République. On a beaucoup glosé sur l'éloquence aussi sous la 3e République. Il y a même nombre de travaux qui ont pu exalter cette éloquence parlementaire. Alors, évidemment, qui se déploie dans d'autres arènes que les arènes médiatiques, c'est notamment dans les assemblées parlementaires, bien sûr, à la Chambre des députés ou au Sénat. Donc l'éloquence, elle n'est pas constitutive, me semble-t-il, de la 5e République. Je ne sais même pas d'ailleurs avec la 5e République, c'est l'éloquence en tant que telle, mais aussi, il faut tenir compte quand même des nouveaux médias, de la photographie, de la télévision, qui va modifier, on le sait bien avec Giscard, par exemple, la télégénie. Alors, je ne sais pas s'il faut surestimer le poids de l'éloquence. Est-ce que Giscard a gagné l'élection parce qu'il a dit en 1974 à Mitterrand, « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur ». Ça fait partie d'une espèce de mythologie qui est entretenue, à la fois par les hommes politiques, par les conseillers en communication aussi, pour justifier peut-être leur utilité, leur rôle, bien sûr. Là-dessus, après, je ne sais pas si... Globalement, je pense que sur la question du discours, et ça rejoint un petit peu aussi la question sur Trump, c'est que peut-être aujourd'hui, les citoyens attendent-ils un discours qui leur paraisse moins formaté. On voit le succès, par exemple, de ce discours anti-système, que ce soit chez les uns et chez les autres, qu'on a vu aux États-Unis, etc. Mais souvent, en perdant de vue que ce discours anti-système, il alimente une forme de populisme qui est alimenté par les élites. Et ce discours anti-système, qui se présente comme anti-système, c'est encore un discours politique qui relève d'une rhétorique particulière. Il n'est pas vraiment anti-système, ce discours, il participe du discours politique tout en se donnant pour n'en être pas, hein, en quelque sorte. C'est comme Copé quand il écrit dans un bouquin « Promis, demain j'arrête la langue de bois ». Bon, on est ici évidemment dans le summum de la langue de bois, dans cette stratégie de dénégation. C'est un petit peu la même chose à travers ces discours anti-système, me semble-t-il. Enfin, je me suis un peu éloigné de la question de l'éloquence, mais... Non, Pierre ne voulait pas répondre. Non, je pense que il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en fait, évidemment, quand on veut atteindre une cible, soit en pragmatique discursive ou soit en communication, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sur la modalisation, c'est-à-dire la façon dont on va moduler comme une gamme, en fait, hein, une tessiture d'émotions, le rapport à l'autre. Je pense qu'aussi, la population citoyenne, les générations changent et donc ont des attentes différentes. Et donc à partir de là, peut-être que l'éloquence, en tout cas qu'on pouvait imaginer ou rêver comme quelque chose de fondamental, c'est plus très important. Cite de cas de Benoît Hamon, c'est intéressant parce qu'effectivement, au moment où on a le petit discours sur la péniche là, de Benoît Hamon qui apprend qu'il est en fait au second tour, on a l'impression que c'est moi, etc. Alors on ne sait pas si c'est joué ou pas, sincère ou pas, c'est même plus la question, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un homme politique qui donne quelque chose qui est en fait du quotidien de beaucoup de personnes. D'ailleurs, on peut imaginer que, l'hésitation, ça arrive aussi. On est tous, nous, en train d'hésiter pour plein de petites choses. Et donc, ce jeu sur l'émotion et sur la séduction, plus on se rapproche, plus on a envie de se rapprocher, parce qu'en ce moment, c'est peut-être une tendance générale, des émotions du quotidien, les choses les plus banales, plus on se dit, il est un peu comme nous, donc il peut nous comprendre, et donc, voilà. Après, il y a aussi des votes qui sont justement pas du tout comme ça, sur s'il est trop proche de moi, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'exercer un rôle politique qui demande une prise de hauteur, et donc dans ce cas-là, je ne vote pas pour lui. Donc précisément, on peut avoir ces deux balanciers-là. Le culte, c'est ça ? Le doute, pas le culte. Non, je voulais juste dire une toute petite chose pour rebondir là-dessus. C'est vrai que il y a évidemment, si on analyse les discours et les discours de campagne, il faut se rappeler que les campagnes électorales sont des grands moments de réenchantement de la politique. Et Dieu sait si c'est très surprenant d'ailleurs, parce que beaucoup de sondages disent une désaffection générale de la politique, et nous le disent depuis une dizaine d'années. Et c'était très fort juste avant l'élection, puis arrivent les primaires, il y a une très forte participation. Ces moments de, ça fonctionne toujours, on pourrait dire. Ces moments de réenchantement de la politique, c'est-à-dire cette réactivation de croyance dans le fait qu'une personne peut sauver le monde, comme ça a été dit tout à l'heure, et qu'elle puisse proposer les solutions. Alors évidemment, vous voyez bien aussi comment les discours sont assez balancés. Ça va très mal, mais j'ai la solution. Il ne faut plus faire comme avant, je ne ferai pas comme avant, etc. Donc tout ça se situe, comme nous l'étudions en sciences politiques, sur un marché politique où sont sollicités, enfin on réagence souvent dans les discours, en tout cas, le mécano des types de discours où chacun, en fonction de positionnement politique, et c'est beaucoup plus pensé et réfléchi maintenant que ça ne pouvait l'être autrefois. C'est pas sûr que ça marche, mais c'est plus pensé et plus réfléchi qu'autrefois. Où chacun, en fonction de ça, d'un marché politique, se situe et construit un discours en fonction de ça. Dans un livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Le Parlement de l'éloquence, de Nicolas Rousselier, eh bien, il y a tout un chapitre qui est consacré aux interventions à l'Assemblée. Et l'une des rhétoriques les plus sollicitées à l'époque, c'était la rhétorique de l'indignation. Comme quoi, vous voyez, enfin, avec les indignés et Stéphane Hessel, on est dans quelque chose qui est à nouveau un réagencement. D'éléments de discours dans lesquels on peut puiser. Alors cette indignation, par exemple, beaucoup sollicitée sous la Troisième République, elle est autre chose, elle est réagencée autrement, elle est dite autrement aussi, mais on voit très bien quels candidats font appel à ces principes, celui de l'indignation, par exemple, ou bien de la dénonciation, etc., etc. Oui, juste un mot sur cette question des campagnes électorales. En fait, c'est là qu'on retrouve toute la dimension magique de la politique, c'est-à-dire qu'une campagne électorale, c'est le moment où va s'opérer, ce que tu disais, une forme de réenchantement, c'est-à-dire que tous les citoyens que nous sommes, nous avons envie de croire, nous sommes portés par ce désir d'illusion, nous avons envie de croire aux promesses que veulent nous faire tous les candidats. Et puis, inévitablement, lorsque le candidat est élu, eh bien, il est confronté à la réalité, parce que finalement, la période de campagne électorale, c'est un moment de suspension volontaire de la réalité, c'est une sorte de dimension onirique. Et lorsque ce candidat est confronté à la réalité, évidemment, on se rend compte qu'il ne peut pas mettre en œuvre toutes les promesses parce qu'il y a de multiples résistances bureaucratiques, européennes, administratives, sociales. Le corps social, il a une pesanteur, il a une forme de résistance. Et donc, c'est le retour au réel et inévitablement, nous sommes déçus. Mais peut-être parce que, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les promesses électorales sont faites pour être tenues? Ou est-ce que les promesses électorales ne sont pas faites pour simplement réenchanter le monde momentanément, réactiver le désir d'illusion? Avant de rentrer dans, oui, c'est un peu radical, mais dans l'analyse un peu plus classique, la fonction du politique, c'est arbitrer finalement entre des intérêts divergents. Et l'arbitrage, c'est toujours sur le fil de rasoir entre des forces agissante en politique. Et là, le réenchantement n'est plus possible. Tenir ses promesses n'a pas de sens, non pas qu'il faille faire le contraire, mais simplement que face à des promesses de quelque ordre qu'elles soient, eh bien, il y a des forces dans la société qui vont s'exercer, plus ou moins organisées, et qui vont s'exercer et tuer, hein, quelque part, ces possibilités d'action, en tout cas de manière aussi claire et nette que pouvaient le laisser prévoir les promesses de campagne. Juste très, très brièvement, ça fait penser ce que dit François Bière, c'est intéressant parce que précisément les primaires des deux partis principaux de la vie politique française ont un peu siphonné d'une certaine façon d'ailleurs cet enchantement-là, puisque les candidats issus des primaires, enfin il y a eu des gens qui sont quand même déplacés pour voter, ont pris un petit peu de cette énergie-là et on est déjà presque dans la déception post-vote sur ces deux types de candidatures-là, puisqu'ils vont de toute façon devoir faire des compromis aussi dans leur camp par rapport au programme qui tenait au moment de la primaire. Donc on est sur une mise en abîme ou une espèce de jeu de poupée russe électorale dans ce cas-là. Ah, je vais laisser une dernière question alors. voudrais dire que je ne partage absolument pas ce que vient de dire François Hourmand, parce que si on est un homme politique ou une femme politique, on est là pour transformer le réel et on est là pour porter un idéal. Si ça n'est pas le cas, on n'aurait pas eu la République. Nos aïeux qui ont porté des discours, je pense par exemple à Jaurès, ont fait qu'à un moment donné, on a eu la République, ce qui n'était pas du tout stabilisé au début, à la fin du XIXe siècle. Donc on attend de la femme et de l'homme politique précisément cet idéal et cette volonté de vouloir transformer le réel. Donc se dire qu'on est là pour arbitrer entre des intérêts, non. On est là pour construire un intérêt qui va fabriquer un idéal. Donc il faut se réapproprier cette idée d'idéal, même si on est aujourd'hui plutôt dans une société individualiste, consumériste, utilitariste et avec des ambitions à court terme. Si on décide, nous, en disant ben, c'est comme ça, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, pour reprendre une formule classique, je crois que c'est à désespérer de la politique, ça restera. Alors là, à ce moment-là, il vaut mieux retourner écouter Shakespeare ou Ndiaye, hein, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc il faut vraiment sortir de cela, pas se dire qu'aujourd'hui c'est impossible. Non, pas du tout, absolument pas. On est capable d'avoir un idéal, même dans la société que l'on a aujourd'hui. Et donc, le théâtre d'ombre qui est celui que vous nous avez présenté aujourd'hui, eh bien, on peut avoir un théâtre avec plus que des personnages, au moins des gens qui ont à la fois la conviction et qui, par moments, sont sincères. Et peut-être que le grand acteur, il devient effectivement Hamlet. Juste, puisque l'intervention appelle une réponse, il ne s'agit pas de nier aux politiques tout pouvoir, bien évidemment. Ils sont quand même... Ils disposent pour cela d'un certain nombre de relais, même si on voit aujourd'hui qu'évidemment la marge de manœuvre des politiques est beaucoup plus restreinte. Je ne reviendrai pas sur toutes les résistances. Après, ce que je voulais souligner simplement, c'est que la logique des politistes n'est pas celle des acteurs politiques. Les acteurs politiques sont dans une logique qui est aisément compréhensible, qui est celle de la justification de l'action. Ils sont dans cette logique-là, et ça induit un discours d'imputation ou d'auto-imputation, hein, tout ce que je fais est bien et tout ce que l'adversaire est mauvais. Bon, pour schématiser un petit peu, c'est de la rhétorique d'auto-imputation ou d'imputation qui sous-tend le discours politique. Nous, en tant que chercheurs, on n'est pas dans cette justification de l'action, on essaye de comprendre les mécanismes et les règles qui sous-tendent le jeu politique, et donc notre logique, elle n'est pas du tout la même, c'est d'essayer de donner à mieux voir le mode de fonctionnement du jeu politique, de ses règles, de ses logiques, de ses résistances, tout simplement. Mais après, voilà. Il n'empêche que le politique, en effet, a son existence autonome. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête là. C'est ce que j'avais... Voilà, je voulais vous rappeler deux choses. C'est sur l'écran aussi que dans 5 minutes vont démarrer les spécialistes pour la dernière séance... C'est des écoutes qui durent un quart d'heure et vous pouvez vous balader de poste en poste. Et le principe, comme l'a dit Jenny avant, ce sont des comédiens qui réinterprètent des interviews qu'on a menées au préalable en lien avec la thématique dont on a débattu ici. Voilà. À 18h, la dernière d'honneur à notre élu. Il me semble qu'il reste quelques places. Et dans la revue Divague numéro 2 qui vient de sortir, vous retrouverez des écrits des 3 universitaires que vous avez pu entendre sur un dossier consacré au spectacle politique. En écho à honneur. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Et les ouvrages des universitaires en vente à la librairie aussi, pardon. J'oubliais, à la librairie du Quai.